depuis l'enfance. Je garde confiance, aujourd'hui je ne reconnais plus ma France. Simplement avoir conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Même pour un instant, un peu d'espérance, j'aimerais juste retrouver ma France. Simplement prendre conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble. On nous répète que l'amour est mort, guidé par l'espoir, j'affirme que nous sommes bien plus forts. Je refuse de croire que tous ces gens acceptent leur sort, qu'ils pensent sincèrement qu'une couleur se résume au porc. Suis-je le seul à voir que sur du noir le blanc ressort, que chaque soir le jaune s'endort et laisse le gris régner dehors. Juste un petit effort, seulement ouvrir cette porte derrière laquelle se cache notre avenir en quelque sorte. Mais la peur s'empare de tous les corps, de toutes les âmes habituées par les drames. Nos yeux sont insensibles même aux larmes. Nous ne prendrons pas les armes, seul le savoir a du charme. Quand il fait taire ses tâches avec une plume en guise de lame. Et les médias s'acharnent à diviser les masses. Ne s'étonne même plus quand ces costards nous parlent de race. J'espère bien que mon rap agace, cette France ne nous plaît pas. Mais nous ne la quitterons pas car c'est ici que se trouve notre place. Depuis l'enfance, je garde confiance. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ma France. Simplement, avoir conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Même pour un instant, un peu d'espérance. J'aimerais juste retrouver ma France. Simplement prendre conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble. On me dira que mes paroles sont illusoires, que notre avenir est terne, que seul un gosse peut y croire. Mais selon moi, c'est bien plus simple de voir la vie en noir. Face à ce désespoir, j'oppose une naïveté rédhibitoire. Tout est question de pouvoir, ces politiques me prennent la tête. Armés d'une langue de bois, sont tous des carriéristes malhonnêtes. L'art d'être une marionnette d'un système qui se répète. Combien de Marine Le Pen derrière tous ces sourires honnêtes. Alors on se défendra et peu importe la manière, on se réunira autour de ces valeurs qui nous sont chères. De ces douleurs qui nous resserrent, de ces couleurs qui nous rendent fiers. On bâtira ensemble une France moins délétère. Pour nos sœurs et frères, nos pères et mères, il est temps de se battre, de ne plus se laisser faire. Nos différences, notre étendard, couleur de l'arc-en-ciel. On débarquera déterminés, tous le poing en l'air. Depuis l'enfance, je garde confiance. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ma France. Simplement, avoir conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Même pour un instant, un peu d'espérance. J'aimerais juste retrouver ma France. Simplement prendre conscience de la chance que l'on a de vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble. Juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, juste vivre ensemble, simplement vivre ensemble.